Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec notre partenaire Énergie, le kit de 8 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 3 kW crête ou équivalent est à partir de 5 890 € fourni posé. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Service proposé sous réserve de faisabilité. Prix après remboursement de la prime d'investissement d'un montant maximum de 1 050 € sous réserve d'éligibilité. Voir conditions et modalités sur bd-rénovation-énergétique.fr. Offre proposée et réalisée par la société Énergie. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Suite aujourd'hui de notre série sur le tragique, après avoir évoqué Racine et le XVIIe siècle français, un autre nom majeur s'impose, deuxième épisode, Shakespeare, la mécanique du mal et le tragique ironique. Malin qui prétendra résumer les leçons politiques de Shakespeare, notamment parce qu'elles sont nombreuses et n'évoquent pas seulement le mal. Ses comédies et ses drames parlent aussi de la loi, du juste, de la clémence, des conflits insolubles, de la monarchie parfois grande, parfois décevante, occasion peut-être pour Shakespeare d'exprimer un intérêt pour la République, mais pas dans l'explicite. Mais encore, il n'est pas facile de décrypter le tragique apparent des trois pièces Richard III, Macbeth et Hamlet. Quelque chose de monstrueux surgit là, semblant autoriser la notion de tragique, quoique différemment dans les trois cas. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et surtout, Shakespeare n'est-il pas sans cesse en train de déjouer la lecture tragique de premier degré? Il y a quelque chose du bouffon qui reste attaché aux trois personnages principaux de ces trois pièces. Quelque chose de quasi-comique dans leur façon de nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font alors que rien n'est si sûr. Et si Shakespeare ne mettait en scène du tragique que pour mieux le subvertir? Bonjour Gisèle Venet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'université Sorbonne Nouvelle et une très grande spécialiste de Shakespeare. Vous avez co-dirigé avec Jean-Michel Desprats les éditions critiques des œuvres de celui-ci chez Gallimard, dans la bibliothèque de la Pléiade. Et vous avez publié aux presses de Sorbonne Nouvelle en 1982 « Temps et vision tragique, Shakespeare et ses contemporains ». Et bonjour Philippe Reynaud. Vous êtes philosophe et politiste, professeur émérite de l'université Paris II Panthéon Assas et co-directeur de la revue Commentaire. Shakespeare et la politique, c'est un sujet qui vous passionne depuis longtemps. Vous avez écrit un article intitulé « L'équité shakespearienne » en 2010 et en 2021, vous avez préfacé le livre d'Alan Bloom « La pensée politique de Shakespeare » paru chez Armand Collin. Je vous propose de commencer notre discussion sur Shakespeare et le tragique en écoutant le metteur en scène Vincent Macaigne, qui en octobre 2023 sur France Culture évoquait la pièce Richard III. Cette pièce, elle est un peu empoisonnée. C'est une pièce qui a été commandée par les Tudors pour salir le nom des Gloucester, donc de salir le nom de Richard III. C'est déjà une pièce bizarre dans sa création. Il y a une bizarrerie, du coup, même dans tous les personnages, dans la défense de certains, quand on creuse un peu. Et ce personnage-là, dans un monde extrêmement brutal, extrêmement sanguinaire, qui devient le monstre dans un monde monstrueux, il y a quelque chose qui cloche. En fait, j'ai jamais réussi à comprendre ce que Shakespeare défend. Je suis embêté parce que je pense que lui, c'est pas si problématique. Je l'ai fait parce que je pense qu'en fait, c'est notre culture, c'est l'Occident. En fait, l'histoire du sang, c'est l'Occident. Et du coup, c'est ça qui est empoisonné. C'est qu'en fait, lui, il raconte ça. Et en fait, ce qui est horrible et ce qui est très empoisonné, c'est qu'il raconte l'histoire de l'Occident à son époque. Et moi-même, j'essaie de comprendre ce qu'il essaie de raconter. Et je me rends compte que, en fait, on est encore issu de ça. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Alors même si Vincent Macaigne, dans cet entretien sur France Culture, évoquait quelque chose qui cloche, son propos est quand même assez univoque, grave et sérieux. Richard III serait un poison dans l'Occident, un monstre dans un monde monstrueux. C'est grave, c'est lourd. Est-ce la seule lecture de Richard III, d'après vous, Gisèle Venet? En tout cas, elle est fondatrice, parce que c'est le premier grand individu de l'histoire tragique anglaise qui surgit avec Richard III. Mmh. D'ailleurs, il dit « moi depuis la pièce précédente ». Il dit depuis la pièce précédente, la fin de Henri VI, il dit « je suis moi-même seul au monde ». Je suis moi-même seul. On a donc ce tragique isolement dès le début, et tragique isolement dont il va faire tout son profit, puisqu'il va devenir ce self-made king. Rien ne l'appelait à être roi. Et il va se faire roi lui-même, contre l'histoire, contre les héritages, contre peut-être sa tendresse pour ses neveux, sait-on. En tout cas, il va franchir toutes les étapes, selon Shakespeare, parce que le vrai roi Richard III était probablement un Louis XI paisible ou quelque chose d'équivalent. Mais comme il gênait évidemment la nouvelle dynastie, il a fallu en faire un monstre. Donc c'est doublement un monstre sacré, construit par l'histoire et construit par l'héritage littéraire shakespearien. Donc vous venez de le dire, c'est un vaincu quand même de l'histoire, et les Tudors aiment se rappeler que les Lancastres, en 1485, ont fini par vaincre les York. Et Henri Tudor a donc monté sur le trône. Richard III a été le dernier York. Dernier Plantagenet. Le dernier Plantagenet, pardon. Voilà. Enfin, oui. Et donc, d'où ma question. Il le diabolise, on est d'accord, aussi pour des raisons historiques. Ça doit faire plaisir à Élisabeth Ière, qui est une Tudor, qu'on valorise l'ennemi, qu'on a mis à terre, que les Tudors ont fini par mettre à terre. Mais est-ce que il n'y a rien de bouffon chez Richard III? Je parle de celui de Shakespeare. Est-ce que tout est vraiment horrible, grave, sérieux, poison dans ce personnage? Non, parce qu'il n'y a rien de... jamais de très sérieux dans Shakespeare. Voilà. Shakespeare a compris une chose avant Bergson, pour ce que rire est le propre de l'homme. Voilà. Donc, et il sait aussi avant Bergson que le rire, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. Et que donc, on a ce Richard III extraordinaire. Shakespeare, en fait, n'a jamais inventé d'histoire. Il prend les histoires telles qu'elles sont déjà écrites. Il n'y en a que trois qu'il n'a pas inventées, du coup, il n'y a pas d'histoire du tout. Mais quand il prend des textes déjà là, et il les remodèle à sa manière, il en refait du grand théâtre, et là, on lui donne une sorte de monstre sacré, déjà sacralisé par l'histoire comme monstrueux, et il en fait ce premier moi qui dit « je » sur un théâtre, qui instaure le théâtre moderne, ce théâtre véritablement une modernité du moi. On peut comparer, enfin, si on veut opposer à ce que vous faisiez hier avec le théâtre de Racine, on peut dire, c'est ce que disait Sartre à propos de Racine, rien n'arrive, tout est arrivé. Tandis que dans Shakespeare, rien n'est arrivé. Et tout arrive par le monstre qu'il va mettre en scène, ce Richard III, accablé de maux, accablé d'une épaule tordue. Il avait une vague scoliose dans l'histoire, mais enfin, on en fait ce monstre bossu. Et donc, à partir de ces physiques monstrueux, il construit l'homme monstrueux, la psychologie monstrueuse de l'usurpateur. Philippe Reynaud, que pensez-vous de ce personnage monstrueux, mais presque too much, pour le dire dans la langue de Shakespeare? Donc il y a peut-être un effet étrangement pathétique, voire comique. Moi, je crois qu'il faut pas exagérer le côté comique de Richard III. Ce qui est important, c'est certainement le côté monstrueux. Mais dans une histoire qui est très différente, comme on le verra, de ce qu'on trouve dans Hamlet ou dans Macbeth, c'est-à-dire une histoire qui est dominée par la convention d'une histoire providentielle de l'avènement de la dynastie des Tudors. Alors, c'est quand même le thème officiel. Je ne dis pas que c'est la vérité profonde du texte, mais c'est le thème officiel. Et ce qu'il faut d'ailleurs remarquer, c'est que la carrière de Shakespeare a commencé avec ça, avec la première tétralogie, dont Richard III est la fin. Et d'une certaine manière, elle se termine également avec ça, puisqu'une des dernières pièces, c'est le Henri VIII, qui est une très belle pièce, mais si on voulait faire une symétrie, ce qui est intéressant, c'est que dans Richard III, il nous a dépeint un personnage beaucoup plus monstrueux que le paisible Louis XI dont parlait Madame René. Et dans Henri VIII, on a un Henri VIII qui est un monarque exemplaire, humaniste, pieux, très, très doux et très soucieux du bien, qui ne correspond pas exactement à l'image que nous en faisons. Donc les personnages... Est-ce que le personnage est monstrueux ? Moi, je crois qu'il est monstrueux. Il est monstrueux parce qu'il représente, c'est ce qui en fait d'ailleurs le côté fascinant, l'affirmation extraordinaire ou un peu extravagante des droits de la volonté dans une histoire qui est supposée être réglée par des conventions théologiques et politiques bien établies. Ce qui est frappant chez lui, à la fin du dernier Henri VI, il se présente comme un Émule de Machiavel, ce qui est supposé être critique, ça n'est pas du tout évident. Je pense que Shakespeare est très machiavélien dans le fond, mais c'est quelqu'un qui... C'est pour ça d'ailleurs que Richard III a un côté fascinant pour les modernes, c'est parce qu'on le... On le voit comme une figure un petit peu nietzschéenne au sens commun du terme, je pense qu'il faut le voir dans l'entrecroisement avec cette histoire d'une légitimité tragiquement divisée. Et c'est pas simplement, si vous voulez, la victoire des Tudors sur les Lancastres, c'est surtout la fin de la guerre. C'est-à-dire, c'est la fin de la guerre de la guerre qui commence dans Richard II, en fait, qui a été écrit après, mais qui, puisque ce qui c'est est la fin de la guerre. C'est la fin ouais. D'une guerre interminable, ouais. la guerre des Deux Roses, qui a déchiré l'Angleterre et qui est supposée établir définitivement le règne du bien. Ce règne du bien n'a pu finalement advenir que par le paroxysme extrême que représente le règne de Richard III, ouais. Qui est la descente. Théoriquement, la descente la plus profonde qu'on a fait dans l'enfer. Alors, on va l'écouter, hein, ça oui. Mérite quand même quelques mots de Shakespeare. Richard III, acte 1, scène 1. Voici nos tempes ceintes de laurier, nos armes pendues en trophée, nos alarmes changées en espoir, et nos marches militaires en figure de danse. La guerre a déridé son front. Elle est descendue de cheval et elle gambade allègrement au son du luth dans la chambre d'une femme. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, moi qui suis rudement taillé, moi que la nature descende à frustrer de ses attraits, moi qu'elle a envoyé sur terre avant le temps, difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini. Eh bien, moi, dans cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir que d'épier mon ombre au soleil, que de surveiller par-dessus mon épaule cette difformité qui traîne par terre, derrière moi. Il faut lendemain, frère, au fils de la reine ! 1000 lendemains, c'est beaucoup. Jours frivoles, temps heureux, trop heureux, j'en serai par Dieu le trouble fait. Bien, bien, très bien. Il faut champ libre et place nette pour bien jouer. La foule de loin comptera les coups. Et je suis tranquille, elle applaudira le gagnant. Voyons, voyons. Première manche. J'ai fait le projet de créer entre mon frère Clarence et mon frère le roi une haine mortelle. J'ai tout misé là-dessus. Je n'avais que de mauvaises cartes, ruses, médisances, calomnies, traîtrises. Mais avez-vous remarqué comme ces mauvaises cartes deviennent excellentes quand les autres joueurs sont gens honnêtes, loyaux et simples? Je peux gagner, je dois gagner. Et c'est Pierre Brasseur qui interprète ici Richard III dans une adaptation par André Aubet pour la RTF en 1950. Gisèle Venet, on a là un Satan, si c'est un Satan, Richard III, peu flamboyant, qui marmonne un peu dans sa barbe, qui a des projets, certes effrayants, mais c'est vrai que ce n'est pas l'aura du mal absolu, en tout cas pas immédiatement. Est-ce que Shakespeare réserve ses effets ? Je crois que Shakespeare n'est plus un médiéval, qu'il a oublié et Satan et toutes les grandes figures du satanisme. Et il sait que le nouveau danger pour l'histoire de l'humanité, c'est l'homme. Et donc, il va faire de Richard III cet homme absolu, centré sur lui-même, qu'il ne voit que lui-même et que son intérêt. Et on a véritablement ce... Et en même temps, parce que Shakespeare est Shakespeare, il en fait le premier comédien de lui-même. C'est-à-dire qu'il se fabrique comme Richard III. Il est auto-fabriqué de sa propre volonté, de sa propre décision. C'est un héros moderne absolu. Il n'a ni passé, malgré, vous le rappeliez, la guerre des roses, qui l'amène à son échec. Il est le dernier des Plantagenets. C'est la fin de l'immense dynastie des Plantagenets, le tout dernier. Et donc, c'est à la fois le dernier et c'est l'instaurateur des premiers personnages de Shakespeare, le premier dont on va se souvenir véritablement, bien plus que dans les histoires précédentes, sauf effectivement quand il se décrivait comme le Machiavel déjà. Et là, il met en scène le Machiavel qu'il avait projeté. Alors, donc on a une mise en scène de soi. Shakespeare lui délègue ses fonctions. Il lui dit « Je te mets en scène pour que tu sois d'abord l'acteur de toi-même, le comédien en scène. » Et toute la pièce est construite comme un immense théâtre. Il va s'autoproclamer roi dans une mise en scène magique à l'acte 3. Il est perdu dans ses pensées, perdu dans des livres saints. Tout ça, c'est fabriqué. Tout ça, c'est... Il y a toute une série d'instructions qui sont données, comme au théâtre. Sortez par telle porte, entrez par telle porte, lisez tel texte, faites ceci, faites cela. C'est exactement ce qui arrive. Et là, bien sûr, les acclamations sont commandées pour qu'il devienne roi. Donc Shakespeare est très malin. Il met en scène sa propre mise en scène de premier roi vraiment criminel. On a là un jeu d'emboîtement, là, pour le coup, tout à fait shakespearien. Philippe Reynaud, si c'est du Machiavel, enfin du Machiavel caricaturé, enfin c'était le mouton noir de l'Europe, Machiavel, donc quand on l'évoquait, c'était sur ce mode un peu outré, caricatural, méchant, sans foi ni loi. Est-ce que c'est mécanique, ce qui se passe avec Richard III? Est-ce que c'est tragique? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas sans arrêt de la stratégie, de la tactique? Et là, le mécanique du mal, tragique, c'est pas tout à fait ça qu'il faudrait dire. Un mot d'abord sur Machiavel, c'est que de la même manière qu'on prête au diable l'idée que sa plus belle réussite, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, la meilleure arme des machiavéliens, c'est de commencer par dénoncer Machiavel. Le chef-d'œuvre de ce point de vue-là, c'est le livre de Frédéric II, l'Anti-Machiavel, qui est une somme de la bonne pensée des Lumières, et écrite par quelqu'un qui a été un des plus grands souverains machiavéliens de l'histoire européenne. Donc il faut prendre avec recul cette idée que le personnage serait machiavélique au sens vulgaire, disons, du terme. Alors ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce côté presque existentialiste de la figure de Richard III, qui est effectivement post-médiéval, c'est quelque chose qui hante la production shakespearienne par la suite, et dont on va trouver un exemple intéressant, parce que là c'est dans un contexte non pas chrétien et monarchique, mais antique et républicain, c'est le personnage de Coriolan. Coriolan. Qui est ce grand homme de la République romaine qui a fini par affronter la République romaine, qui est un usurpateur potentiel, qui refuse non pas l'ordre monarchique mais l'ordre républicain, et dont on dit à plusieurs reprises que c'est un personnage qui n'a pas de père, qui n'a pas de racines, qui est un homme déséquilibré, qui prétend faire le monde lui-même. Et je crois qu'il faut voir que je pense que dans l'univers de Shakespeare, il y a à la fois l'affirmation de cette puissance créatrice des hommes. Et l'idée que la fin du cosmos harmonieux médiéval n'est pas sans nous poser quelques problèmes. Gisèle Venet, là-dessus, vous voulez réagir, je crois. Oui, simplement sur le tragique, la mécanique du mal, si c'est bien comme ça qu'il faut parler, peut-être, à propos de Richard III. Oui, mais je rebondis aussi sur Coriolan. Coriolan a une mère et il l'aime. Oui, oui. Et il en mourra. Tandis que dans Richard III, on a vraiment « I'm myself alone », je suis moi-même seul. On a cette affirmation de la solitude qui est hallucinante. Enfin, quand même, Shakespeare a des intuitions qui dépassent même son temps. Oui. C'est bon. Alors, je vous propose qu'on aille voir si cette intuition se prolonge dans d'autres pièces. Et évidemment, puisqu'on parle du mal, du tragique, de la mécanique éventuelle que tout cela développe, ou non, nous laissons cette question suspendue sur toute l'émission. Nous allons passer à Macbeth. Alors Macbeth, évidemment, c'est très différent au sens où le début, je dirais même que c'est le contraire de Richard III, en tout cas, pardon, c'est la lectrice profane qui parle. Il n'est pas méchant tout de suite, Macbeth. Lady Macbeth le tente, lui dit qu'il faut qu'il fasse ce régicide, il doit prendre le pouvoir, faire ce meurtre. Il résiste beaucoup à Lady Macbeth, il a peur de cette tentation qu'elle lui fait miroiter. Finalement, il fait ce qu'elle dit, ils vont beaucoup tuer, ce couple va beaucoup tuer, et au bout du compte, c'est Lady Macbeth qui va devenir folle, comme si elle ne supportait pas la tentation même réalisée qu'elle avait exprimée. Jusqu'au bout, elle n'y arrive plus, elle meurt de folie, ou elle meurt folle, je n'en sais rien, et voici la fin de Macbeth. Macbeth, lui, a l'air d'être tout à fait serein, enfin, alors qu'il était si hésitant au début. Écoutez-le juste au moment où on lui annonce la mort de son épouse. Que l'on déploie mes drapeaux à chaque mur. Ils arrivent. Voilà ce que l'on crie. Et la puissance de mon château se rit du siège qu'il prépare. Qu'il reste là jusqu'à ce que la faim et la fièvre les tuent. S'ils n'avaient avec eux certains des nôtres, nous pourrions les affronter face à face avec courage et les repousser chez eux. Qui pleure ? Les femmes, monseigneur. J'ai oublié jusqu'au goût de la peur. Ou peu s'en faut. Il fut un temps où mes sens se seraient glacés d'entendre un cri la nuit. Où mes cheveux, à quelque lugubre récit, se seraient comme vivants, dressés et enchevêtrés. Mais je suis saoul d'horreur. La cruauté familière à mes pensées d'assassin ne peut plus rien contre moi. Qui pleurait-on ? La reine, sire. Elle est morte. trop tôt. Elle est morte trop tôt. Plus tard, il y aurait eu le temps pour cette nouvelle. Demain, et puis demain, et encore demain, vont de jour en jour d'un pas tranquille jusqu'à la dernière syllabe du temps qui nous est accordé. Hier a montré au fou la route de la mort poudreuse. Éteins-toi, cours flambeau. La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur qui se pavane. Il s'agite une heure en scène, et puis on ne l'entend plus. C'est un conte dit par un idiot. Un conte plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Gisèle Venet, Macbeth semble touché, oui, par la mort de Lady Macbeth, mais il est tellement au-delà de l'émotion. Il le dit au début, j'ai oublié ce que c'était d'être un homme normal, en quelque sorte. Maintenant, c'est un meurtrier. Il est au-delà de la culpabilité. Et il y a ces formules finales que nous venons d'entendre, très célèbres. C'est comme s'il était devenu quoi, un masque, un acteur lui-même, dans un monde qui n'a plus de sens. Mais je crois qu'il est surtout devenu l'homme moderne, radical. Il est au-delà, effectivement, de toute conscience. Il est impossible de prendre conscience de quoi que ce soit dans un drame aussi radical, où il a tant tué. Oui. Mais il y a quand même ce qu'il a tenté, sa vraie tentation. Il y a eu les sorcières qui sont là pour, amuser le public, qui ne servent à rien. Mais il y a sa femme, sorcière parfois, puisqu'on l'a, début, en tout cas. On fait souvent jouer le rôle de Lady Macbeth par une des sorcières. Ah. C'est-à-dire qu'elle est la vraie tentatrice, elle est celle qui va trouver le faible, dans le point faible dans Macbeth. Et en fait, c'est extraordinaire que Shakespeare ait cet imaginaire si constant. Il commence avec cette première tentation qui est la tentation de sa femme, et il va faire mourir Macbeth quand sa femme est morte, quand elle n'est plus là. C'est-à-dire que son parcours est fini. Il le sait. Il sait qu'il n'est même plus lui-même. Il n'est plus qu'une ombre, il n'est plus qu'un personnage de théâtre, ce que signifie le mot ombre à cette époque. Donc on a vraiment cette sorte de prise de conscience moderne. Là aussi, ce sont vraiment des modernes, ces héros shakespeariens. Justement, cette prise de conscience moderne du néant de soi. Oui, mais de la volonté aussi. Il l'a voulu quand même. Ou bien est-il dépassé mais parce qu'il on l'a ne peut, voulu. Oui, mais on ne peut vouloir que ce néant. Ça n'est même plus racine. Enfin, je veux dire, ça n'est pas racine. Plus, oui, voilà, racine, c'est après. Ça n'est pas racine. On n'a pas une sorte de métaphysique. Là, on a tué la métaphysique. Il ne reste plus qu'une ombre en marche. Shakespeare est en train de nous dire, il ne reste plus que du théâtre. L'homme sera désormais un être de théâtre. Et on le regardera s'agiter sur les scènes, et puis on saura qu'il n'est plus rien. Le tragique shakespearien, s'il y en a un, serait-il donc Philippe Reynaud, consisterait-il à nous dire il n'y a plus que du théâtre, il n'y a plus que des masques, il n'y a plus que des acteurs? Je ne suis pas certain. D'abord parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Venet. Je crois qu'il ne faut pas éliminer trop vite ces trois sorcières qui ont quand même le mérite d'annoncer sous forme cryptique ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une histoire qui se présente un peu comme des variations sur la, pas sur la mécanique, mais sur la causalité du destin. C'est un vieux thème, d'ailleurs, de des gens, vous savez, qui réalisent précisément la prophétie en voulant l'éviter. Alors, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas Oedipe ni l'histoire de Samarcande, c'est autre chose qui va se passer. C'est le fait que, progressivement, Macbeth va surmonter toutes les objections naïves de sa conscience morale traditionnelle pour accepter le chemin de gloire qui lui a été apparemment promis par les sorcières et pour l'accepter sur l'instigation de sa femme. Qui est quand même le personnage le plus actif apparemment dans cette histoire. Alors, ce qui me semble, pour finir, c'est que ce qui se produit à la fin de d'Hamlet, c'est le fait que c'est pas tellement les masques qui tombent, c'est la réalité que finit par percevoir Macbeth. La fin, non pas d'Hamlet, donc de Macbeth. La fin, ouais, de Macbeth. Dans l'extrait d'ailleurs, oui, que vous avez entendu, était interprété. Le pied de Macbeth que je parle. Par Jean Le Vrai. Depuis... Parce que vous avez dit Hamlet à un moment, je me suis dit, vous allez anticiper. Non, c'est un lapsus absurde. À la fin de Macbeth, ce qu'il a constaté avant d'apprendre la mort de sa femme, c'est que ce sur quoi il comptait, c'est-à-dire cette idée qui serait invincible si, jusqu'à ce que la forêt se mette à marcher et qu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas né d'une femme, c'est précisément ce qui se produit. Mmh. Et là, il y a une espèce d'anéantissement de toutes les stratégies qu'il a pu construire avec sa femme pendant la pièce et un effondrement devant la nudité d'un destin qui n'a pas de sens. C'est une histoire qui est racontée par un idiot. Alors je ne sais pas si c'est l'homme moderne, mais dans ce cas, l'homme moderne, il est mal parti quand même. Je crois que c'est exactement ce que vous voulez dire, Gisèle Venet. Oui, je crois que c'est assez ce que je voulais dire, oui. Quand il n'est plus dans les mains de la Providence, il est mal parti, oui. Oui, c'est ça, oui. Et il n'est plus dans les mains de la Providence, ni de la morale commune, qui est, à laquelle il essaye de s'accrocher avec sa femme qui lui dit « Mais non, c'est pas, laisse tomber ça ». Vous pensez que le vide intérieur, le néant métaphysique, comme disait tout à l'heure Gisèle Venet à propos des personnages de Shakespeare, c'est plus tragique encore que le tragique plein de métaphysique que nous avons vu hier à propos de Racine, qui chronologiquement viendra, cela dit, après Shakespeare. Qu'en pensez-vous, Gisèle Venet ? Bien, pour rebondir sur les sorcières, il faut penser que les sorcières nous disent explicitement, si on peut dire, bien que ça soit très, très mystérieux, le blanc est EST noir et le noir est EST blanc. C'est-à-dire qu'on est dans l'impossibilité désormais, de savoir l'envers et le revers des choses. Oui. On est à la fois, comme l'anneau de Möbius, à l'envers et à l'endroit. C'est-à-dire que la vie devient cet immense anneau de Möbius dans lequel l'homme moderne est pris et dans lequel jamais plus il ne saura où est l'envers et l'endroit. Merci, parce que là, vraiment, je pense qu'en effet, que dans cette confusion, on voit bien l'obscurité dans laquelle Shakespeare plonge ses personnages et nous plonge nous-mêmes. Alors, il y a un autre être qui a du mal à voir clair, c'est Hamlet, évidemment, qui nous explique, nous... C'est un monologue infini, à quel point il n'arrive pas à venger son père et à commettre ce crime qu'il doit faire à l'égard de celui qui a usurpé son trône. Il n'y arrive pas, il est faible. J'aimerais qu'on reprenne cette vieille question. Est-il crédible ? Est-ce que vous croyez Hamlet ? Que nous dit Shakespeare à travers cette incapacité à agir qui caractérise Hamlet ? Eh bien, rien de mieux pour introduire la question que de l'écouter lui-même, et c'est s'il vous plaît, dans la version de Jean Marais, c'est Jean Marais qui incarne Hamlet. Ah, si cette chair trop solide pouvait se fondre, se liquéfier et se résoudre en rosée. Ah, pourquoi l'Éternel a-t-il fixé sa loi contre le suicide ? Ah, Dieu ! Ah, Dieu, combien morne, usée, plate et stérile me semblent toutes les jouissances de ce monde. Ah, c'est un jardin abandonné, tout y pousse au hasard, rien que des plantes sauvages et grossières. Et voilà où nous en sommes. À peine 2 mois qu'il est mort. Non, pas même 2. Pas 2 mois. Un roi si supérieur à tous, qui était à celui-ci ce qu'est Apollon, un faux, ni plein de tendresse pour ma mère, qu'il ne permettait pas au vent du ciel de frôler son visage trop rudement. Ciel et terre! Faut-il que ce soit moi qui m'en souvienne? Elle s'attachait à lui comme si l'aliment de sa passion n'eût fait qu'accroître sa faim. Et pourtant, à peine un mois, je n'y veux plus penser. Inconstance, ton nom est femme, un tout petit mois. Pas même le temps d'user les souliers qu'elle portait pour suivre le convoi de mon malheureux père tout en larmes, comme Niobé. Oui, elle-même. Ah, cieux, une bête qui n'a pas de raison de pleurer plus longtemps. Mariée avec mon oncle, frère de mon père, mais qui ressemble autant à mon père que moi à Hercule. À peine un mois. Les yeux rouges encore du sel de ses larmes indignes. Elle s'est remariée. Ah, exécrable prostitute. Volée avec tant de hâte vers les draps de l'inceste. Ce n'est pas bien. Il n'en peut rien sortir de bon. Mais brise-toi, mon cœur. Il faut que je me taise. Ce fils qui n'en finit pas de nous dire qu'il n'arrive pas à venger son père alors qu'il le devrait. Philippe Reynaud, Hamlet, est-il vide? Est-il l'exemple, lui aussi, du vide shakespearien, du vide intérieur qui finit par caractériser Macbeth, par exemple, à la fin de la pièce, comme nous l'avons vu il y a un instant? Peut-être vous surprendre, mais je trouve que qu'on est généralement un peu sévère avec ce pauvre Hamlet, en disant qu'il est indécis, qu'il ne sait pas ce qu'il veut, etc. Je ne me souviens plus, peut-être que Madame Bedet s'en souvient, de quel commentateur de Shakespeare qui avait dit ce que je trouve très judicieux, mais que quand même, quand il s'agit de tuer sa mère et son oncle, c'est assez normal qu'on réfléchisse avant, qu'on y réfléchisse à deux fois. C'est pas une chose qu'il est si facile de faire. Et je trouve que si on prend d'ailleurs l'ensemble des actes d'Hamlet, c'est pas du tout un homme indécis, ni lâche, ni il est capable de prendre des décisions dures. D'ailleurs, les pauvres diables là qui l'envoient à la mort, Rosencrantz, il traite la chose quand même très très très violemment. Il est physiquement courageux, mais simplement il est devant une situation quand même qui est tout à fait frappante. C'est qu'il est le seul à savoir quelque chose qu'il sait par des biais qui sont quand même pas très certains. Cet entretien avec un fantôme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs dans une culture protestante où il n'y a pas de purgatoire, etc. Il a des bonnes raisons de se demander ce qui se passe, et surtout, de toute manière, il est coincé par le fait que il n'a aucun moyen d'établir la publicité de cette affaire. Alors, je trouve qu'il vaudrait mieux considérer que ce qu'il fait, c'est une série de tentatives qui sont manquées. Mais moi, j'ai envie de dire que la vérité sur Hamlet est dite par son heureux successeur Fortinbras, qui est un fort à bras, si j'ose dire, qui n'a pas les mêmes scrupules ni les mêmes difficultés, et qui dit, après arriver pleinement au pouvoir avec plein de succès, qui dit « il aurait pu être un grand roi ». Et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a, il y a quand même une crise politique, et qui est une crise, où je crois, Didier Devenet a écrit des choses très intéressantes sur la, l'histoire de la tragédie de la vengeance. C'est un moment très particulier, mais je voulais faire ce plaidoyer pour Hamlet. Ah bah écoutez, ça nous voit droit au cœur, ça va nous permettre d'avoir un petit débat, non seulement sur Hamlet, mais sur le tragique shakespearien, parce que ça change la donne. S'il y a un héroïsme moderne de la légitime hésitation à venger, c'est ce que vous dites, Philippe Reynaud, c'est pas de la faiblesse, c'est presque de la réflexion sensée. Qu'est-ce que vous en pensez, Gisèle Venet ? Moi, je pense que Hamlet est un... Je suis tout à fait d'accord. Ah oui ? Pour dire que c'est un héros très fort. Il est celui, mais il est nécessaire. Il nous est nécessaire entre Richard III et Macbeth pour avoir effectivement tout le parcours. Il faut ce moment où l'homme est confronté à l'homme, oui. La chair est envahissante dans Hamlet, et il la récuse et il la rejette, qui est la chair de sa mère, qui est l'enfantement, qui est vraiment l'humanité dans son degré zéro de l'héritage maternel. Et ce père inaccessible qu'il ne verra qu'en fantôme. On a quand même là, tout d'un coup, l'homme orphelin. Orphelin de sa chair, orphelin de lui-même, orphelin de sa mère. Il devient presque le père de sa mère. Il lui fait des remontrances. Il lui montre comment il faut qu'elle retrouve sa dignité. Comment elle est devenue ce ventre indigne, cet être vautré dans les draps incestueux. Donc Hamlet, héros positif, qui nous montre qu'il y a des ressources dans l'homme moderne. Vous nous dites depuis le début, Gisèle Venet, que Shakespeare montre l'homme moderne. Livré à lui-même. Oui, et là, tout d'un coup, il y a une ressource assez belle qu'on aurait peut-être sous-estimée dans l'interprétation d'Hamlet. Je crois que c'est... il me semble que c'est un homme d'action. Il n'est pas un homme d'action immédiate, mais il est un homme d'action. D'ailleurs, quand il faut liquider Rosencrantz et Guildenstern, il n'hésite pas. Il monte un coup fumant, oui. Et les deux garçons sont embarqués sur un bateau, et terminé, c'est la fin de leur vie. Alors, je vais vous faire écouter l'avis de quelqu'un qui ne dit pas qu'Hamlet est l'homme moderne, mais que c'est l'homme chrétien. Alors, bien évidemment, ça s'inscrit dans un certain nombre de thèses qu'il soutient. Il s'agit de René Girard, à propos de la vengeance. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Je vous propose donc d'écouter son point de vue sur Hamlet. Il l'exprimait dans À voix nue sur France Culture, le 2 septembre 2004. Shakespeare est en quelque sorte obligé par les mœurs du temps, par la pratique théâtrale, d'écrire une pièce sur la vengeance. Une pièce sur la vengeance, c'est une pièce dont on sait, dès le premier acte, que au dernier acte, la vengeance aura lieu. Et alors, la dramaturgie normale oblige, si vous voulez, de faire intervenir toutes sortes d'accidents entre les deux pour que, il faut que la vengeance soit retardée, en quelque sorte. Et ce que Shakespeare a fait, c'est de montrer, à mon avis, le vieillissement de la vengeance, la fatigue de la vengeance, la méfiance de la vengeance, qui possède l'Occident, mal christianisé, mais qui commence à l'être, n'est-ce pas ? La conscience du mimétisme de la vengeance. Et à mon avis, Hamlet incarne ceci. Hamlet est un personnage sympathique. C'est l'occidental par excellence qui se pose, et c'est le noble, le fils de roi, qui se pose des questions d'intellectuel sur la vengeance et qui, par conséquent, est rendu incapable d'action par son propre christianisme, finalement. Vous êtes d'accord, Philippe Reynaud, avec René Girard ? Presque. Je crois d'abord qu'il y a le livre de Girard sur Shakespeare est un livre très très intéressant, mais dont il faut pas oublier qu'il repose sur l'idée que Girard a découvert des choses cachées depuis la fondation du monde, et qu'il n'a eu que deux précurseurs, qui sont Jésus-Christ et Shakespeare. et donc, il s'agit de montrer que Shakespeare défend la même métaphysique, la même anthropologie que Girard. C'est pas du tout évident. Je pense qu'il exagère le côté chrétien de cette affaire. De Hamlet. De Hamlet, oui, certainement. Alors, ce qui est chrétien, il y a des choses qui sont chrétiennes. Par exemple, le fait finalement d'écarter le suicide, qui paraîtrait la solution la plus rationnelle, ça c'est assez chrétien. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle on ne se suicide pas, c'est que c'est interdit par le Seigneur. Qui vous a, oui, il me semble ça c'est assez chrétien, mais le reste, j'en suis pas. Je ne suis pas convaincu, si vous voulez. Vous avez invoqué le protestantisme tout à l'heure de Hamlet, qui... Bah, le protestantisme du monde shakespearien, bon, encore qu'il y a une discussion chez les shakespeareologues pour savoir quelle était la véritable religion de Shakespeare. Il y a des gens qui pensent que c'était un crypto-catholique. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un anglican réel, avec une théologie assez erasmienne, mais ça nous en donne trop loin. Mais disons, chez les protestants, si vous en principe, il n'y a pas de purgatoire. Et les fantômes sont des âmes du purgatoire, donc c'est un petit problème. Donc, est-ce que c'est complexe ou bien aussi simple que nous le dit René Girard, Gisèle Venet? Je veux dire, le fait que Hamlet exprime la christianisation de l'Occident, parce que c'est ça qu'il dit, hein, dans René Girard. Je trouve que Hamlet est une pièce athée, s'il en est, dans laquelle, effectivement, on a des résidus de spiritualité sous la forme d'un fantôme, c'est-à-dire déjà une spiritualité transgressive, comme vous l'avez bien dit, parce que finalement, pour les protestants, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de fantôme, etc. C'est une impossibilité. Donc, à condition de ne pas lire Shakespeare tel qu'il a écrit sa pièce, mais tel qu'il l'a écrite, cette vengeance, il n'y a que Hamlet qui soit un homme d'action dans toute la pièce. Il n'y a que lui qui bouge. Il n'y a que lui qui réagit. Alors évidemment, entre l'acte 1, où il découvre « Time is out of joint », le temps est sorti de ses gonds, ce moment où il se rend compte que ce n'est pas dans un temps ordinaire qu'il va pouvoir accomplir sa vengeance, que tout est par-dessus bord. Entre ce moment-là et le moment où il va l'accomplir, effectivement, il ne perd jamais son objectif de vue. D'où l'emboîtement des théâtres. Il ne va pas voir les comédiens simplement pour... bon, bien sûr, Shakespeare fait du remplissage, mais Hamlet, il ne fait pas du remplissage avec les comédiens. Il les récupère pour mettre en scène la pièce souricière, pour être sûr, effectivement, que son beau-père est coupable. Or, c'est à cette pièce que tout d'un coup, le beau-père en question demande des lumières et ne peut plus supporter de se voir lui-même confronté avec lui-même en scène. Beau moment de théâtre, d'ailleurs, pour Shakespeare, théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire le théâtre se regardant lui-même faire du théâtre. Alors justement, le théâtre étant vraiment le centre du théâtre shakespearien, je voudrais qu'on termine sur ce problème pour savoir si finalement il y a du tragique chez Shakespeare ou si c'est abusif de parler ainsi. Richard III déploie tout le potentiel politique et je dirais théâtral de sa méchanceté. Macbeth devient finalement celui qu'on croyait... qu'il croyait ne jamais vouloir être, et Hamlet montre une sorte d'intelligence inattendue de ce qui se donne au départ comme de la faiblesse. Tout ça est très ironique, il y a un devenir des personnages, il y a la métaphore théâtrale qui est plus qu'une métaphore, qui structure les personnages en profondeur. Est-ce que tout cela est tragique ou pas du tout, en vérité, chez Shakespeare, Philippe Reynaud? Moi, je dirais que quand on passe de Richard III à Macbeth et de Macbeth à Hamlet, on a une progression dans le sens de la tragédie. Je pense que Richard III est, au moins dans son sens exotérique, une pièce trop édifiante pour être réellement tragique. Alors, bien entendu, nous autres, on trouve que Richard III est grandiose, etc., mais ça ne devait pas être le cas de la plupart des spectateurs. Chez Macbeth, on a quand même, si vous voulez, le tragique. Je ne sais plus qui disait que le tragique, c'était la combinaison de l'impossible et du nécessaire. Et là, c'est beaucoup plus patent, me semble-t-il, dans Macbeth et dans Hamlet, qui sont d'ailleurs des véritables tragédies. Et finalement, d'ailleurs, la convention des éditeurs traditionnels qui distingue les drames historiques et les tragédies n'est peut-être pas si mauvaise. Gisèle Venet, sur tous ces points. Bah, moi, je pense que quand même, l'homme tragique, dans Shakespeare, enfin, oui, tel qu'il ressort, a perdu toute maîtrise. Oui. Il a perdu toute maîtrise sur le temps. C'est bien ce qui est tragique, d'ailleurs. Toute maîtrise sur la connaissance, toute maîtrise sur les origines. Enfin, c'est vraiment... Moi, je pense toujours que c'est quand même une forme de l'homme moderne. Enfin, on le rapproche toujours de Montaigne, mais c'est vrai qu'il y a les mêmes questionnements, les mêmes... effectivement, cette idée, qu'est-ce que l'homme qui ressort, et on n'a plus les réponses chrétiennes. Et on n'a même pas les réponses providentielles. Parce que Shakespeare, c'est bien évident, ne croit pas une seconde à la providence de quoi que ce soit. Il faut voir ce qu'il en fait dans Hamlet, oui, de la providence. Enfin, il y a un sourire ironique dans le Shakespeare, dans le tragique de Shakespeare. Oui, alors évidemment, moi j'ai tendance à être assez ironique dans la vie courante, donc je vois de l'ironie dans Shakespeare beaucoup, bien sûr. Mais je pense quand même qu'il y a une modernité de cette ironie. Il fallait une audace singulière pour quitter les territoires sécurisés de la chrétienté. Oui. On n'a plus une once de chrétienté. Là, c'est l'anti-Girard que vous nous faites à la fin. Ah ben moi, je suis anti-Girard, oui, complètement, de A à Z. Je ne vois pas une once de chrétienté dans Shakespeare. Et je crois que c'est son génie d'avoir été un auteur chrétien qui n'était plus chrétien. Cette discussion sur Shakespeare se termine par Devil Inside de In Excess dans l'album Kick de 1987. Gisèle Venet, Philippe Reynaud, je trouve que vous avez été d'une grande précision et voilà, subtilité dans l'analyse de Shakespeare, du mal, du tragique et de la modernité incroyable de Shakespeare. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de la raison. Vous entendrez surtout aujourd'hui des échos avec notre série de la semaine dernière sur Kant. Voici le pourquoi du comment. Comment Kant a-t-il critiqué la raison ? S'il y a un titre célèbre en philosophie, un titre fascinant à la fois qui attire et qui repousse en quelque sorte les étudiants et tous les amateurs, tous ceux qui ont un contact avec la philosophie occidentale en tout cas, c'est bien le titre du grand livre d'Emmanuel Kant en 1781, La critique de la raison pure. On oublie d'ailleurs souvent que 7 ans plus tard, il a publié une deuxième critique de la raison, mais cette fois de la raison pratique, c'est-à-dire de la raison qui n'explique pas seulement le lien entre les choses dans la connaissance scientifique, mais la raison qui explique le lien entre un motif et une action dans la vie humaine. La raison pratique, c'est la manière dont nous justifions nos actions et non pas dont nous expliquons le monde. J'ai fait ceci parce que cela. Et en effet, la raison n'est pas seulement une manière d'expliquer les choses, de créer un lien nécessaire entre des phénomènes, c'est aussi une manière de justifier nos actes. C'est une manière de rapporter nos actes à un motif, à une représentation, à quelque chose dont nous sommes en quelque sorte responsables. Il y a donc chez Kant deux critiques, la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Et il y a une troisième critique qui ne porte pas sur la raison et dont on aura peut-être le temps de dire un mot en terminant. Mais d'abord, il faut comprendre ce que veut dire la critique de la raison chez Kant en général. Le terme est très simple à comprendre. Critique, chez lui, ça ne veut pas dire abandon de la raison. Ça ne veut pas dire renoncement à la raison. Comme s'il y avait justement d'un côté deux extrêmes, les philosophies rationalistes qui posent un ordre nécessaire des choses et de l'action, des motifs nécessaires pour notre action en général, un motif qui explique tout dans le monde et dans notre vie, d'un côté. Et d'un autre côté, des critiques radicales de la raison, par exemple le scepticisme de David Hume, qui pense qu'il n'y a rien de nécessaire dans le monde, ni dans notre action d'ailleurs, toujours du relatif. Dans le monde, ce sont des inductions plus ou moins causales. Je sais que jusqu'ici, le soleil s'est toujours levé le matin, mais rien ne me prouve que c'est nécessaire. Et d'autre part, je sais que telle action est un peu meilleure qu'une autre, mais un bien absolu, Hume hésite à le justifier rationnellement. Alors Kant refuse aussi ce qu'il appelle ce scepticisme, le dogmatisme, et chez lui, le mot critique désigne très précisément le fait de faire la part des choses. Il y aurait chez lui une part de la nécessité, une part à faire dans la connaissance du monde comme dans l'action pour une nécessité, mais alors une nécessité absolue, partielle, mais absolue. Et quel est ce fondement de la nécessité chez Kant? Bizarrement, c'est justement un fondement subjectif. C'est pourquoi le mot raison chez lui abandonne la prétention métaphysique à être la raison du monde, la raison de l'univers, le logos incarné des stoïciens par exemple, ou de Leibniz encore, la raison divine. Non, la raison n'est plus que subjective, mais là, elle se délimite. Il y a une nécessité dans la science, à condition de se limiter au phénomène que la raison humaine peut aborder, aux phénomènes empiriques, et ne pas remonter à l'absolu des choses. La raison se met à délirer, dit Kant, lorsqu'elle veut aller au-delà des limites de l'expérience, lorsqu'elle veut expliquer l'origine du monde, par exemple. Et surtout, dans la raison pratique, la nécessité dans la raison, c'est le devoir pur, c'est le fait d'obéir à l'impératif absolu selon lequel les actes que je commets, que j'accomplis, doivent être universalisables rationnellement, sinon ils sont mauvais. Ainsi, je ne peux jamais mentir, par exemple, parce que si je l'universalise, on n'a plus confiance dans le langage. Mais il n'y a pas de bien transcendant, il n'y a pas de souverain bien, il n'y a pas une transcendance. C'est dans notre raison que nous trouvons la nécessité des choses. Merci Frédéric Worms et merci Gisèle Venet et Philippe Reynaud, nos invités d'aujourd'hui. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et le reste de l'équipe, Antoine Ravon, Anna Fulpin, Chaïma Giboire et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.